Section 39 De Essais sur les révolutions, suivi des études historiques par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Cinquième discours, deuxième partie. Suite des mœurs des chrétiens, âge philosophique, hérésie. Dans ce second âge du christianisme, la grandeur des mœurs publiques et la sublimité intellectuelle remplace la vertu des mœurs privées et la beauté morale évangélique. Ce n'est plus l'Église militante, esclave, démocratique dans les cachots et dans le sang. C'est l'Église triomphante, libre, royale, à la tribune et sur la pourpre. Les docteurs succèdent aux martyrs. Ceux-ci n'avaient eu que leur foi. Ceux-là ont leur foi et leur génie. La partie choisie du monde païen, qui n'avait cédé ni à la simplicité apostolique, ni à l'autorité des bûchers, écoute, s'étonne, et bientôt se rend en retrouvant dans la bouche des pères les systèmes des sages plus clairement et plus éloquemment expliqués. Les hautes écoles chrétiennes ressemblaient aux écoles philosophiques. Les chaires comptaient une suite non interrompue de professeurs, comme à Athènes. Rodon hérite de Tatien, et Maxime, successeur de Rodon, examine la question de l'origine du mal et de l'éternité de la matière. Clément d'Alexandrie, qui remplace Panthénos, s'était nourri des ouvrages de Platon. Il cite dans ses stromates les maîtres sous lesquels il avait étudié, un en Grèce, un en Italie, deux en Orient. « Mon maître en Palestine, dit-il, était une abeille qui, suçant les fleurs de la prairie apostolique et prophétique, déposait dans l'esprit de ses auditeurs un doux et immortel trésor. » Dans son traité du vrai gnostique, celui qui connaît, Clément fait le portrait du sage même des philosophes. Le gnostique n'est plus sujet aux passions. Rien dans cette vie n'est fâcheux pour lui. Il a reçu la lumière inaccessible. Il ne fait pas sortir son corps volontairement de la vie, parce que Dieu le lui défend, mais il retire son âme des passions. Le gnostique use de toutes les connaissances humaines. C'est faiblesse de craindre la philosophie des païens. La foi qu'elle ébranlerait serait bien fragile. Le gnostique se sert de la musique pour régler les mœurs. Il vit libre, ou s'il est marié et s'il a des enfants, il regarde sa femme comme sa sœur, puisque sa femme ne sera plus pour lui qu'une sœur quand elle sera dans le ciel. Les sacrifices agréables à Dieu sont les vertus et l'humilité avec la science. La renommée d'Origène était répandue dans tout le monde romain, et les polythéistes même admiraient le docteur chrétien. Étant un jour entré dans l'école de Plotin, au moment où celui-ci faisait sa leçon, Plotin rougit, interrompit son discours et ne le continua qu'à la sollicitation de son illustre auditeur dont il fit un pompeux éloge en reprenant la parole. Plotin, fondateur du néo-platonisme, n'en était pas l'inventeur. C'était Ammonius Saccas qui avait enseigné mystérieusement sa doctrine à Plotin et à Origène. Origène trahit le secret. Ses pères de l'Église, la plupart sortis des écoles philosophiques et nés de familles païennes, furent non seulement des professeurs éloquents, mais encore des hommes politiques. Alors brillèrent ces évêques qui bravaient la puissance des empereurs et la brutalité des rois barbares. Athanase livre ses combats contre les Ariens. Cité au concile de Tyr, déposé à celui de Jérusalem, il est exilé à Trèves par Constantin. Il revient, les peuples accourent sur son passage. Il rentre en triomphe dans sa ville épiscopale. 90 évêques ariens, ayant à leur tête Zeb de Nicomédie, le condamnent de nouveau à Antioche. 100 évêques orthodoxes le déclarent innocent dans Alexandrie. Le pape Jules confirme cette sentence à Rome. Le prélat remonte sur son siège. Il en est chassé par ordre de Constance, qui met à exécution les décrets ariens des conciles d'Arles et de Milan. Athanase célébrait une fête solennelle dans l'église de Saint-Théon à Alexandrie. Comme il chantait le psaume du triomphe d'Israël sur Pharaon, le peuple répétant à la fin de chaque verset « La miséricorde du Seigneur est éternelle », des soldats enfoncent les portes. Le peuple fuit. Athanase reste à l'autel, entouré des prêtres et des moines qui le dérobent à la perquisition des soldats. Il se réfugie dans les lieux écartés de l'Égypte. Les religieux qui lui donnent asile sont inquiétés. Ce génie enthousiaste s'enfonce plus avant dans la solitude, comme un glaive ardent dans le fourreau. Un serviteur qui lui reste va chaque jour au péril de sa vie chercher la nourriture de son maître. Que fait Athanase parmi les sables? Il écrit. les sépulcres des princes de Tanis, les puits où dorment les momies des persécuteurs de Moïse, sont les bibliothèques de ce seul vivant. C'est là qu'il trace les pages qui, du fond du désert, remuent les passions du monde. À la mort de Constance, Athanase reparaît au milieu de son peuple, Julien le force à rentrer dans la Thébaïde. Il revient quand Julien est passé. Valence le proscrit et il se cache au tombeau de son père. Enfin, il émerge une dernière fois de l'ombre et, torrent calmé, achève paisiblement sa course. Sur les 46 années de l'épiscopat d'Athanase, 20 s'étaient écoulées dans l'exil. Grégoire de Nazianze, nommé évêque orthodoxe de Constantinople, dont il ne fut d'abord que le missionnaire, eut à soutenir les outrages des Ariens. Théodose, qu'il avait intronisé à main armée, l'abandonna. Grégoire, obligé de s'arracher à l'église de sa création et de son amour, lui fit ses adieux pathétiques qui ont retenti jusqu'à nous. Il passa la fin de ses jours dans sa retraite de Cappadoce, chantant, car il était poète, l'inconstance des amitiés humaines, la fidélité du commerce de Dieu et la beauté qui fait oublier toutes les autres, celle de la vertu. Basile, archevêque de Césarée, mérita le surnom de Grand. Il donna des règles, en Orient, à la vie cénobitique. On a de lui plus de 350 lettres, des homélies et un panégyrique des 40 martyrs. Ses ouvrages nous apprennent une infinité de choses. Ils sont écrits d'un grand style. Saint Basile est peut-être, avec saint Éphrem, un des pères qui s'éloigne le plus du génie antique et se rapproche le plus du génie moderne. Il excelle dans les descriptions de la nature. Je ne citerai point, parce qu'elle est trop connue, sa lettre à Grégoire de Nazianze sur la solitude que lui, Basile, avait choisie dans le pont. Ses 9 homélies sur l'Hexaméron, ou l'œuvre de 6 jours, sont une espèce de cours d'histoire naturelle. Il les prêchait pendant le jeûne du carême, le matin et le soir, et lorsqu'il reprenait la parole, il renvoyait ses auditeurs à ce qu'il avait dit la veille. La physique de l'Hexaméron n'est pas bonne, mais les détails en sont charmants. L'orateur s'applique à faire sortir de l'histoire des plantes et des animaux les instructions de la morale. Un jour, parlant des reptiles et des quadrupèdes, il passait sous silence les oiseaux. Aussitôt la rustique assemblée de lui indiquer son oubli par des signes. Le naturaliste chrétien, naïvement interrompu, reconnaît son tort. Il change de sujet et décrit l'instinct des oiseaux avec un bonheur extraordinaire. Il tire même un enseignement religieux d'une erreur. Selon lui, il est des oiseaux chastes qui se reproduisent sans s'unir, de là la virginité de Marie. Valence voulut contraindre Basile à embrasser l'arianisme. Il lui envoya Modeste, préfet d'Orient, avec l'ordre de l'effrayer par des menaces. Modeste s'étonna de la fermeté de Basile. « Apparemment, lui dit le saint, que vous n'avez jamais rencontré d'évêque. » Après sa mort, Basile fut en si grande renommée qu'on cherchait à l'imiter jusque dans ses défauts. On affectait sa pâleur, sa barbe, sa démarche, sa lenteur à parler, car il était pensif et recueilli. On s'habillait comme lui, on se couchait comme lui, on se nourrissait de choses dont il aimait à se nourrir. Cet évêque universel a fondé les premiers hôpitaux de l'Asie. Flavien et Jean Chrysostome furent encore plus mêlés que Basile à la politique. Dans la sédition d'Antioche, Chrysostome, alors simple prêtre, sema des consolations par ses discours et Flavien, malgré son grand âge, se rendit à Constantinople. Arrivé au palais de l'empereur, introduit dans ses appartements, il se tint debout sans parler, baissant la tête, se cachant le visage, comme s'il eût été seul coupable du crime de son peuple. Théodose s'approcha de lui et lui reprocha l'ingratitude des Antiochiens. Alors l'évêque fondant en larmes, « Vous pouvez en cette occasion orner votre tête d'un diadème plus brillant que celui que vous portez. On a renversé vos statues, élevez-en de plus précieuses dans le cœur de vos sujets. Quelle gloire pour vous quand un jour on dira « Une grande ville était coupable, gouverneurs et juges épouvantés n'osaient ouvrir la bouche, un vieillard s'est montré, il a touché le prince. Je ne viens pas seulement de la part du peuple, je viens de la part de Dieu. Vous déclarez que si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous remettra vos péchés. D'autres vous apportent de l'or, de l'argent, des présents. Moi, je ne vous offre que les saintes lois, vous exhortant à imiter notre maître. Ce maître nous comble de ses biens, quoique nous l'offensions tous les jours. Ne trompez pas mes espérances. Si vous pardonnez à notre ville, j'y retournerai plein de joie. Si vous la condamnez, je n'y rentrerai jamais. » En entendant ce discours, Théodose s'écria, « Serions-nous implacables envers les hommes, nous qui ne sommes que des hommes, lorsque le maître des hommes a prié sur la croix pour ses bourreaux ?» Le christianisme était à la fois un principe et un modèle. On ne saurait croire combien cet exemple du pardon du Christ, incessamment rappelé pendant les siècles de barbarie et de despotisme, a été salutaire à l'humanité. Saint Chrysostome avait pratiqué 4 ans la vie ascétique sur les montagnes. Il passa 2 années entières dans une caverne, sans se coucher et presque sans dormir. Il avait fui parce qu'on avait songé à le faire évêque. Si dans l'âge héroïque chrétien, quand il s'agissait d'être le premier martyr, ce n'était pas un léger fardeau que l'épiscopat. Ce fardeau n'était pas moins pesant dans l'âge philosophique du christianisme. Il fallait avoir le talent de la parole, la science de l'homme de lettres, l'habileté de l'homme des temps, la fermeté de l'homme de bien. Plus tard, lors de l'invasion des barbares, toutes les tribulations des temps tombaient à la charge des prélats. Jean Bouchedor, devenu évêque de Constantinople, corrigea le clergé, gouverna par ses conseils les églises de la Thrace et de l'Asie, et résista aux entreprises du Goth Gaïnas. Quelquefois, il était obligé de quitter l'autel, ayant l'esprit trop agité pour offrir le sacrifice. On conspira contre lui, on l'accusa d'orgueil, d'injustice, de violence, d'amour des femmes. Afin de se justifier de cette dernière faiblesse, il offrit d'exposer l'état où l'avait réduit les austérités de sa jeunesse, condamné au concile du Chêne, chassé de Constantinople et bientôt rappelé. Il osa braver Eudoxie, qui jura sa mort. Ce fut alors qu'il prononça le fameux discours où il disait « Hérodiade est encore furieuse, elle danse encore, elle demande encore la tête de Jean. » Précipité comme Démosthène de la tribune dont il était la gloire, enlevé de l'autel où il avait donné un asile à Eutrope, Chrysostome reçoit l'ordre de quitter Constantinople. Il dit aux évêques, ses amis, « Venez, prions, prenons congé de l'ange de cette église. » Il dit aux diaconesses, « Ma fin approche, vous ne reverrez plus mon visage. » Il descendit par une route secrète aux rives du Bosphore pour éviter la foule, s'embarqua et passa en Bithynie. Exilé à Cucuse, les peuples, les moines, les vierges accouraient à lui, tous s'écriaient « Mieux vaudrait que le soleil perdît ses rayons que Bouchedor ses paroles ». Tout banni qu'il était, les ennemis de Chrysostome le redoutaient encore et ils sollicitèrent pour lui un exil plus lointain. Il fut enjoint aux confesseurs de se transporter à Pythionte, sur le bord du pont Euxin. Le voyage dura 3 mois. Les 2 soldats qui conduisaient Chrysostome le contraignaient de marcher sous la pluie ou à l'ardeur du soleil, parce qu'il était chauve. Quand ils eurent passé Comane, ils s'arrêtèrent dans une église dédiée à Saint Basilisque, martyr. Le saint se trouva mal, il changea d'habit, se vêtit de blanc, communia, il était à jeun, distribua aux assistants ce qui lui restait, prononça ces mots qu'il avait ordinairement à la bouche, « Dieu soit loué de tout », puis, allongeant les pieds, il dit le dernier « Amen ». Rien de plus complet et de plus rempli que la vie des prélats du 4e et du 5e siècle. Un évêque baptisait, confessait, prêchait, ordonnait des pénitences privées ou publiques, lançait des anathèmes ou levait des excommunications, visitait les malades, assistait les mourants, enterrait les morts, rachetait les captifs, nourrissait les pauvres, les veuves, les orphelins, fondait des hospices et des maladreries, administrait les biens de son clergé, prononçait comme juge de paix dans des causes particulières ou arbitrait des différends entre les villes. Il publiait en même temps des traités de morale, de discipline et de théologie, écrivait contre les hérésiarques et contre les philosophes, s'occupait de science et d'histoire, dictait des lettres pour les personnes qui le consultaient dans l'une ou l'autre religion, correspondait avec les églises et les évêques, les moines et les ermites, siégeait à des conciles et à des synodes, était appelé au conseil des empereurs, chargé de négociations, envoyé à des usurpateurs ou à des princes barbares pour les désarmer ou les contenir. Les 3 pouvoirs religieux, politiques et philosophiques s'étaient concentrés dans l'évêque. Saint Ambroise va en ambassade auprès de Maxime, fait sortir Théodose du sanctuaire, réclame les cendres de Gratien, ne peut sauver Valentinien II et refuse de communiquer avec Eugène. Au milieu de ses grandes occupations, il compose tous ses ouvrages qui nous restent, introduit la musique dans les églises d'Occident et laisse des chants si renommés que dans les siècles suivants le mot « hymne » et le mot « ambrosianum » devinrent synonymes. Les travaux de saint Augustin ne sont point surpassés par ceux de saint Ambroise. 93 ouvrages en 232 livres, sans compter ses lettres, attestent la fécondité et la variété du génie du fils de Monique. « Si je pouvais, dit-il dans une lettre à Marcelin, vous rendre compte de mon temps et des ouvrages auxquels j'ai été obligé de mettre la main, vous seriez surpris et affligé de la quantité d'affaires qui m'accable. Quand j'ai un peu de relâche de la part de ceux qui ont recours à moi, je ne manque pas d'autre travail, j'ai toujours quelque chose à dicter qui me détourne de suivre ce qui serait plus de mon goût dans les courts intervalles de repos que m'accordent les besoins et les passions des autres. » Augustin écrit contre les donatistes, ceux-ci veulent le tuer, il intercède pour eux, il a un démêlé avec saint Jérôme, il s'occupe d'arbitrage, il reçoit les fugitifs après le sac de Rome. Son amitié et ses liaisons avec le comte Boniface sont célèbres. La lettre qu'il écrivit à cet homme offensé, pour le rappeler à l'amour de la patrie, lui fait grand honneur. Jugez vous-même, si l'Empire romain vous a fait du bien, ne lui rendez pas le mal pour le bien. Si l'on vous a fait du mal, ne rendez pas le mal pour le mal. Augustin était propre mais simple dans ses vêtements. Il faut, disait-il, que mes habits soient tels que je les puisse donner à mes frères s'ils n'en ont point. Il faut qu'ils conviennent par leur modestie à ma profession, à un corps cassé de vieillesse et à mes cheveux blancs. Il était chaussé et disait à ceux qui allaient pieds nus « J'aime votre courage, souffrez ma faiblesse ». Aucune femme n'entrait dans sa maison, pas même sa sœur. S'il était absolument obligé de communiquer avec des femmes, il ne leur parlait qu'en présence d'un prêtre. Il se souvenait de sa chute. Il mourut dans Hippone, assiégé, sans faire de testament, car dans son extrême pauvreté, il n'avait rien à laisser à personne. Saint Jérôme est une autre grande figure de ses temps, mais d'une toute autre nature, orageux, passionné, solitaire, regrettant le monde dans le désert dans le monde, voyageur qui cherche partout un abri et qui se surcharge de travaux comme il se couvre de sable pour étouffer ce qu'il ne saurait étouffer, matelot naufragé, pèlerin sauvage et nu qui apporte ses douleurs au lieu des douleurs du Fils de l'homme et qui, courbé sous le poids des jours, peut à peine rester au pied de la croix. Augustin et Jérôme appartiennent au temps moderne. On reconnaît en eux un ordre d'idées, une manière de sentir, ignorée de l'Antiquité. Le christianisme a fait vibrer dans ses cœurs une corde jusqu'alors muette. Il a créé des hommes de rêverie, de tristesse, de dégoût, d'inquiétude, de passion, qui n'ont de refuge que dans l'éternité. Le clergé régulier formait une partie considérable de l'organisation chrétienne. Dans le monde civilisé romain, les moines étaient des hommes de la nature, comme ils furent des hommes de la civilisation dans le monde barbare. On distinguait trois sortes de religieux, les reclus, enfermés dans leurs cellules, les anachorètes, dispersés dans les déserts, les cénobites, qui vivaient en communauté. Les règles de quelques ordres monastiques étaient des chefs-d'œuvre de législation. Trois causes générales peuplèrent les cloîtres, la religion, la philosophie et le malheur. On se mit à part de la société quand elle eut perdu le pouvoir de protéger. Les couvents devinrent par cela même une pépinière d'hommes de talent et d'indépendance. L'occupation manuelle des cénobites était de faire des cordes, des paniers, des nattes, du papier. Ils transcrivaient aussi des livres, travaux dont saint Éphrem se plaît à tirer des leçons. Paul, ermite, Antoine, Pacôme, Hilarion, Macaire, Siméon, Stylite sont des personnages inconnus à l'hellénisme. Leurs vêtements, leurs palmiers, leurs fontaines, leurs corbeaux, leurs lions, leurs montagnes, leurs grottes, leurs vieux tombeaux, les ruines où les démons les tentaient, les colonnes qui leur élevaient dans les airs une autre solitude, appartiennent à la puissance de l'imagination orientale chrétienne. Les ascètes erraient en silence sur le Sinaï, comme les ombres du peuple de Dieu. Ces aspirants du ciel exerçaient un grand pouvoir sur la terre. Les empereurs les envoyaient consulter, Constantin adresse une lettre à saint Antoine et l'appelle son père. Saint Antoine assemble ses moines et leur dit « Ne soyez pas surpris qu'un empereur nous écrive, ce n'est qu'un homme. Étonnez-vous plutôt de ce que Dieu ait écrit une loi pour les hommes. » Antoine se refuse à toute réponse, ses disciples le pressent, alors il mande à Constantin et à ses deux fils « Méprisez le monde, songez au jugement dernier, souvenez-vous que Jésus-Christ est le seul roi véritable et éternel. Pratiquez l'humanité et la justice. » Dans la sédition d'Antioche, les moines descendirent de leur montagne et s'établirent à la porte du palais, implorant la grâce des coupables. Un d'entre eux, Macédonius, surnommé le Critophage, rencontre dans la ville deux commissaires de l'empereur. Il en saisit un par le manteau et leur ordonne à tous deux de descendre de cheval. La hardiesse de ce petit vieillard, couvert de haillons, indigne les commissaires. Mais, ayant appris qui il était, il lui embrasse les genoux. « Ami, s'écrie l'ermite, intercédez pour le sang des coupables, dites à l'empereur que ses sujets sont aussi des hommes faits à l'image de Dieu, que s'il s'irrite pour des statues de bronze, une image vivante et raisonnable est bien préférable à ces statues. Quand celles-ci sont détruites, d'autres peuvent être faites, mais qui donnera un cheveu à l'homme qu'on a fait mourir ? Ainsi renaissait la liberté et la dignité de l'homme par le christianisme. Ces ermites, exténués de jeûne, retrouvaient dans l'indépendance et le mépris de la vie les droits que la société avait perdus dans le luxe et l'esclavage. Les leçons n'étaient pas épargnées aux empereurs. Lucifer de Cagliari apostrophe Constance au sujet d'Athanase. « Si tu étais tombé entre les mains de Mattathias ou de Phinée, il t'aurait frappé du glaive. Et moi, parce que je blesse de ma parole ton esprit trempé du sang chrétien, je te fais injure. Que ne te venges-tu d'un mendiant ? Devons-nous respecter ton diadème, tes pendants d'oreilles, tes bracelets, tes riches habits, au mépris du Créateur ? Tu m'accuses d'outrage. À qui t'en plaindras-tu ? À Dieu que tu ne connais pas ? À toi-même, homme mortel, qui ne peut rien contre les serviteurs de Dieu. Si tu nous fais mourir, nous arriverons à une meilleure vie. Nous te devons obéissance, mais seulement pour les bonnes œuvres, non pour les mauvaises ou pour condamner un innocent. » Lucifer était légat du pape Liber. On voit déjà poindre l'esprit véhément et dominateur des futurs Grégoire VII. Des vices s'étaient glissés à travers les vertus. Les passions privées se nourrissent dans le silence de la retraite. Les passions publiques naissent au bruit du monde. Saint Grégoire de Nazianze, Saint Chrysostome, Saint Jérôme, Saint Augustin, Salvien, plusieurs autres pères se plaignent de l'ambition des prélats, de la cupidité des prêtres et des mœurs des moines. Vous avez déjà vu des exemples à l'appui de ces reproches, et j'ai rappelé les lois qui s'opposent aux empiètements du clergé. Que l'homme triomphe par les vertus ou par les armes, la victoire le corrompt. Ce fut surtout dans les sectes séparées de l'unité de l'Église qu'eurent lieu les plus grands désordres. Les hérésies furent au christianisme ce que les systèmes philosophiques furent au paganisme, avec cette différence que les systèmes philosophiques étaient les vérités du culte païen et les hérésies les erreurs de la religion chrétienne. Les hérésies sortaient presque toutes des écoles de la sagesse humaine. Les philosophies des Hébreux, des Perses, des Indiens, des Égyptiens, des Grecs s'étaient concentrées dans l'Asie sous la domination romaine. De ce foyer allumé par l'étincelle évangélique jaillit une multitude d'hérésies aussi diverses que les mœurs des hérésiarques étaient dissemblables. On pourrait dresser un catalogue des systèmes philosophiques et placer à côté de chaque système l'hérésie qui lui correspond. Tertullien l'avait reconnu, la philosophie, dit-il, qui entreprend témérairement de sonder la nature de la divinité et de ses décrets, a inspiré toutes les hérésies. De là viennent les éones, et je ne sais quelle forme bizarre est la trinité humaine de Valentin qui avait été platonicien. De là le dieu bon et indolent de Marcion, sorti des stoïciens. Les épicuriens enseignent que l'âme est mortelle. Toutes les écoles de philosophie s'accordent à nier la résurrection des corps, la doctrine qui confond la matière avec Dieu et la doctrine de Zénon. Parle-t-on d'un dieu de feu, on suit Héraclite. Les philosophes et les hérétiques traitent les mêmes sujets, s'embarrassent dans les mêmes questions. D'où vient le mal et pourquoi est-il? D'où vient l'homme et comment? Et ce que Valentin a proposé depuis peu, quel est le principe de Dieu? À l'entendre, c'est la pensée et un avorton. Saint Augustin comptait de son temps 88 hérésies, en commençant aux Simoniens et finissant aux Pélagiens. Et il avoue qu'il ne les connaissait pas toutes. Comme l'esprit ne fait souvent que se répéter, il n'est pas inutile de remarquer que le mot « hérésie » signifie « choix ». Et c'est aussi ce que veut dire le mot « éclectisme », si fort en vogue aujourd'hui. L'éclectisme est l'hérésie des hérésies, ou le choix des choix philosophiques. Ainsi, au moment de la destruction de l'Empire romain en Occident, le christianisme marchait avec 12 persécutions générales, les persécutions de Néron, de Domitien, de Trajan, de Marc Aurèle, de Sévère, de Maximin, de Décius, de Valérien, d'Aurélien, de Dioclétien, de Constance, persécution arienne, de Julien. Avec 3 schismes de l'Église romaine, les schismes des antipapes Novatiens, Urciens et Eulalius, avec plus de 100 hérésies. Par schisme, il faut entendre ce qu'on entendait alors, le dissentiment sur les personnes. Par hérésie, les différences dans les doctrines. Les hérésies du 1er siècle furent de 3 sortes. Les premières appartenaient à des fourbes qui prétendaient être le véritable Messie ou tout au moins une intelligence divine ayant la vertu des miracles. Les secondes sortirent de ces esprits creux qui recouraient au système des émanations pour expliquer les prodiges des apôtres. Les troisièmes furent les imaginations de certains rêveurs qui voyaient en Jésus-Christ un génie sous la forme d'un homme ou un homme dirigé par un génie. Ils disaient encore que Jésus-Christ avait enseigné 2 doctrines, l'une publique, l'autre secrète. Ils mutilaient les livres du Nouveau Testament, composaient de faux évangiles, et fabriquait des lettres des apôtres. Dans ces 3 classes d'hérésiarques, on trouve Simon, Docitée, Ménandre, Théodote, Gortée, Cléobule, Hyménée, Philète, Alexandre, Hermogène, Sérinthe, les Ébionistes et les Nazaréens. Presque toutes les hérésies du 1er siècle furent juives d'extraction. Au 2e siècle, les hérésies devinrent grecques et orientales. Plusieurs philosophes de l'Asie avaient embrassé le christianisme, ils y apportèrent les idées spéculatives dont ils étaient nourris. La doctrine des 2 principes, la croyance des génies, les émanations chaldéennes, en un mot, tout l'abstrait de l'Orient, modifié par la philosophie grecque, pétrit et repétrit dans l'école d'Alexandrie. Il y eut aussi des réformateurs du christianisme qu'ils trouvaient déjà altérés. Montan, Praxéas, Marcion, Saturnin, Hermias, Artémon, Basilide, Hermogène, Appel, Thalien, Héracléon, Cerdon, Sévère, Bardezane, Valentin furent les plus célèbres hérétiques de cette époque. Praxéas, de l'hérésie de Montan, soutenait que Dieu le Père était le même que Jésus-Christ et qu'en conséquence il avait souffert. Les disciples de Praxéas furent appelés Patropatience, parce qu'ils attribuaient au Père comme au Fils la passion de la croix. Valentin, suivant le génie grec qui personnifiait tout, transformait les noms en personnes. Les siècles qui, dans l'Écriture, portent le nom d'Éon ou d'Aïon, devenaient des êtres ayant chacun leur nom. Le premier Éon se nommait Proon, préexistant, ou Bitos, profondeur. Il avait vécu longtemps inconnu avec Énoïa, la pensée, ou Charis, la grâce, ou Sigé, le silence. Bitos engendra avec Sigé, Nous, ou l'intelligence, son fils unique. Nous devint le père de toutes choses. Nous enfanta 2 autres éones, Logos et Zoé, le Verbe et la vie. De Logos et de Zoé naquirent Anthropos et Ecclésia, l'homme et l'Église. Enfin, après 30 éones, qui formaient le pléroma ou la plénitude, se trouvait la vertu du pléroma, horos ou storos, le terme ou la croix. Cette théologie s'étendait beaucoup plus loin, mais l'esprit humain a des folies trop nombreuses pour les suivre dans toutes leurs modifications. Au IIIe siècle, la philosophie grecque continua ses ravages dans le christianisme. les hommes qui passaient incessamment des écoles d'Athènes et d'Alexandrie à la religion évangélique cherchaient à rendre celle-ci naturelle, c'est-à-dire qu'ils s'efforçaient d'expliquer les mystères afin de répondre aux objections des païens. Cette fausse onde de l'esprit produisit les erreurs des Sabellius, Noët, d'Hierax, de Béryl, de Paul de Samosate. On compte aussi celles des Ophites, des Caïnites, des Sétiens et des Melchisédéciens. Manès, dont l'hérésie éclata vers l'an 277, était un esclave appelé Koubrik, surnommé Manès, ce qui signifiait en persan l'art de la parole. Manès y prétendait exceller. Il eut pour disciple Thomas et rapporta de la Perse l'ancienne doctrine des deux principes. Le bon principe est la lumière, le mauvais principe les ténèbres. Le monde était l'invasion du mauvais principe ou du principe ténébreux dans le bon principe ou le principe lumineux. Manès infiltrait sa doctrine dans le christianisme par l'histoire de la tentation de l'homme produite de Satan et par la mission de Jésus-Christ envoyée du bon principe pour détruire l'action de Satan ou du mauvais principe. Les hérétiques cherchaient assez souvent à rentrer dans le sein de l'Église. On ne s'y refusait pas, mais on différait sur les conditions de leur réintégration. Autre source de schisme au IIIe siècle. Celui des Novatiens est un des plus connus. Le IVe siècle se distingue par la grande hérésie d'Arius. Le monde philosophique à cette époque était devenu néo-platonicien. Le néo-platonisme ne trouvait plus de contradicteurs et se rapprochait de la théologie chrétienne à laquelle il s'était assimilé. La puissance politique ayant passé du côté des chrétiens, les hérésies affectèrent le caractère de la domination et les mœurs du palais. Elles voulurent régner et montèrent en effet sur le trône avec constance. Elles servirent de marchepied au paganisme pour reprendre un moment la pourpre avec Julien. Constance, ayant divisé la doctrine orthodoxe par l'arianisme, il parut tout simple que la religion changea dans Julien comme elle avait changé dans Constance et que l'un força ses sujets d'adopter sa communion ainsi que l'autre les y avait obligés. Sabellius avait établi la distinction des personnes trinitaires. Marcion et Cerdon reconnaissaient trois substances incréées. Arius voulut concilier ses opinions en faisant de la Trinité trois substances, mais, posant en principe que le Père seul était incréé, le Verbe devenait une créature. Macedonius nia depuis la divinité du Saint-Esprit. Le mot « consubstantiel » fut inventé pour écarter les subtilités des Ariens, mot latin qui ne traduisait pas exactement le fameux grec « homo usios » employé par les pères de Nicée. Eusèbe et Théognis usèrent de supercherie en souscrivant le symbole. Ils introduisirent un iota dans le mot « homo usios » et écrivirent « homo iusios » semblable en substance au lieu de même substance. On chicana sur cet iota qui causa bien des persécutions et fit couler beaucoup de sang. Saint-Hilaire, avec la droiture et la raison des peuples occidentaux, admit les deux expressions disant que rien ne pouvait être semblable selon la nature qui ne fût de même nature. L'arianisme, divisé en plusieurs branches, eusebien, demi-arien, etc., passa des Romains aux Goths. Son caractère se mélangeait de faste, de violence et de cruauté. Arius, son fondateur, était pourtant un homme doux, quoique obstiné. L'antagoniste d'Arius fut, vous le savez, le fameux Athanase. Avec Arius, dans le IVe siècle, vinrent aussi les réformateurs qui attaquèrent la discipline de l'Église et du culte de la Vierge. Par l'austérité des mœurs, ils arrivaient à la dépravation. On compte Helvidius, Bonose, Eaudée, Collate, Jovinien, Priscillius et plusieurs autres. Le Ve siècle vit les hérésies placées dans les prélats. Celle du violent Nestorius, évêque de Constantinople, éclata. Il nia l'union hypostatique, admettant toutefois l'incarnation du Christ, mais disant qu'il n'était pas sorti du sein de la Vierge. L'Orient se divisa, il y eut concile contre concile, anathème contre anathème, persécution, déposition, exil. Après le concile d'Éphèse, le nestorianisme triompha, bientôt Eutychès vint combattre Nestorius et remplacer une erreur par une erreur. le nestorianisme supposait deux personnes dans Jésus-Christ. Eutychès, par un autre excès, prétendait que les deux natures de l'homme-Dieu, la nature humaine et la nature divine, étaient tellement unies qu'elles n'en faisaient qu'une. Les moines avaient soutenu contre les nestoriens la maternité de la Vierge. Ils s'enrôlèrent presque tous sous les bannières d'Eutychès. L'Empire d'Orient, berceau de toutes les hérésies, continua de s'engloutir dans ses subtilités déplorables. Les patriarches de Constantinople acquirent une puissance qui leur permettait de disposer de la pourpre. Après Eutychès, des moines scythes, dans le VIe siècle, posèrent en principe qu'une des personnes de la Trinité avait souffert. Dans le VIIe siècle, autre chimère. Dans le VIIIe, Léon Isaurien donna naissance à la secte des iconoclastes, et enfin, vers le milieu du IXe siècle, s'établit le grand schisme des Grecs. L'Occident, ravagé par les barbares du Vème siècle, enfanta des hérésies qui sentaient le malheur. Des chrétiens opprimés cherchèrent une cause aveugle à des souffrances en apparence non méritées. Pélage, moine breton, qui avait beaucoup voyagé, fut l'auteur d'un nouveau système. Il disait l'homme capable d'atteindre le plus haut degré de perfection par ses propres forces. De cette hauteur stoïque, il était aisé de glisser à cette rigueur du destin qui écrase le juste sans l'abattre. Entraîné de conséquence en conséquence, tout en ayant l'air d'admettre l'efficacité de la grâce, Pélage se voyait obligé de nier cette nécessité, de rejeter la contrainte du péché originel, laquelle aurait détruit la possibilité de la perfection sans la grâce. Julien, évêque d'Éclane, succéda à Pélage. Des semi-pélagiens engendrèrent la prédestination. Ils soutenaient que la chute d'Adam a suspendu le libre arbitre et que Jésus-Christ n'est pas mort pour tous. Le résultat était la damnation éternelle et la salvation éternelle forcée par la prescience de Dieu. Cette hérésie dura. Elle parvint jusqu'à Goëscal et même jusqu'à Jean Scott Érigène. Dans les 6e, 7e, 8e et 9e siècles, l'unité croissante de l'Église catholique et l'autorité de Charlemagne diminuèrent les hérésies dogmatiques. Mais il se forma des hérésies d'imagination. Elles eurent leur source dans une nouvelle espèce de merveilleux, née des faux miracles, des vies des saints, de la puissance des reliques et du caractère crédule et guerrier prêt à procréer le Moyen-Âge. La lumière classique jeta un rayon perdu à travers les ténèbres du IXe siècle et fit éclore une superstition du moins excusable. Un prêtre de Mayence prouva que Cicéron et Virgile étaient sauvés. L'étude de l'Écriture amena des discussions subtiles sur le nom de Jésus, sur le mot « chérubin », sur l'Apocalypse, sur les nombres arithmétiques, sur les couches de la Vierge. Tel fut ce long enchaînement de mensonges, de folies ou de puérilités. Des doctrines, passons aux hommes, du tableau des croyances à la peinture des mœurs, de l'hérésie à l'hérésiarque. Il est rare que la fausseté de l'esprit ne fasse pas gauchir la droiture du cœur et qu'une erreur n'engendre pas un vice. Marc, disciple de Valentin, séduisait les femmes en prétendant leur donner le don de prophétie. Il s'en faisait aimer passionnément, elle le suivait partout, ses disciples possédaient le même talisman et des troupes de femmes s'attachaient à leurs pas dans les Gaules. Ils se nommaient « parfaits ». Ils se prétendaient arrivés à la vertu inénarrable. Selon eux, le dieu Sabaoth avait pour fils un diable, lequel avait eu d'Ève, Caïn et Abel. Les docites maudissaient l'union des sexes, disant que le fruit défendu était le mariage et les habits de peau la chair dont l'homme est vêtu. Les carpocratiens, disciples de Carpocras, tenaient que l'âme était tout, que le corps n'était rien, et qu'on pouvait faire de ce corps ce qu'on voulait. Épiphane prêchait la même doctrine, de là pour ses hérésiarques le rétablissement de l'égalité et de la communauté naturelle. Ils priaient nus comme une marque de liberté, ils avaient le jeûne en horreur, ils festinaient, se baignaient, se parfumaient. Les propriétés et les femmes appartenaient à tous. Quand ils recevaient des hôtes, le mari offrait sa compagne à l'étranger. Après le repas, ils éteignaient les lumières et se plongeaient aux débauches dont on calomniait les premiers chrétiens, mais ils arrêtaient autant que possible la génération parce que le corps étant infâme, il n'était pas bon de le reproduire. Montant courait le monde avec deux prophétesses, Prisca et Maximilien, il se disait le Saint-Esprit et le continuateur des prophètes. Les pratiques des montanites étaient d'une rigueur excessive. Paul de Samosate se créa une immense fortune par le débit de ses erreurs. Dans les assemblées ecclésiastiques, il s'asseyait sur un trône, en parlant au peuple, il se frappait la cuisse de sa main, et l'on entonnait des cantiques à sa louange. Au milieu des donatistes, en Afrique, se formèrent les circoncellions, furieux qui pillaient les cabanes des paysans, apparaissaient au milieu des bourgades et des marchés, mettaient en liberté les esclaves et délivraient les prisonniers pour dette. Ils assommaient les catholiques avec des bâtons qu'ils appelaient des Israélites et commençaient les massacres en chantant « Louange à Dieu ». Comme certains disciples de Platon, saisis de la frénésie du suicide, ils se donnaient la mort ou se la faisaient donner à prix d'argent. Hommes, femmes, enfants s'élançaient dans des précipices ou dans des bûchers. Plusieurs conciles, et entre autres celui de Nicée, prononcent des peines contre les eunuques volontaires. À l'imitation d'Origène, il s'était formé une secte entière de ces hommes dégradés. On les nommait Valésiens. Ils mutilaient non seulement leurs disciples, mais leurs hôtes. Ils guettaient les étrangers sur les chemins pour les délivrer des périls de la volupté. Ils habitaient au-delà du Jourdain, à l'entrée de l'Arabie. Les gnostiques partageaient l'espèce humaine en trois classes. Les hommes matériels ou iliques, les hommes animaux ou psychiques, les hommes spirituels ou pneumatiques. Les gnostiques se subdivisaient eux-mêmes en une multitude de sectes. Celle des zoophytes révérait le serpent comme ayant rendu le plus grand service à notre premier père en lui apprenant à connaître l'arbre de la science du bien et du mal. Il tenait un serpent enfermé dans une cage. Au jour présumé de la séduction d'Ève et d'Adam, on ouvrait la porte aux reptiles qui glissaient sur une table et s'entortillaient au gâteau qu'on lui présentait. Ce gâteau devenait l'Eucharistie des zoophytes. Des gnostiques d'une autre sorte croyaient que tout était être sensible et ils se laissaient presque mourir de faim dans la crainte de blesser une créature de Dieu. Quand, enfin, ils étaient obligés de prendre un peu de nourriture, ils disaient au froment « Ce n'est pas moi qui t'ai broyé, ce n'est pas moi qui t'ai pétri, ce n'est pas moi qui t'ai mis au four, qui t'ai fait cuire. » Ils priaient le pain de leur pardonner et ils le mangeaient avec pitié et remords. Les Prisciliens, dont la doctrine était un mélange de celle des manichéens et des gnostiques, cassaient les mariages en haine de la génération, parce que la chair n'était pas l'ouvrage de Dieu, mais des mauvais anges. Ils s'assemblaient la nuit, hommes et femmes priaient, nus comme les carpocratiens, et se livraient à mille désordres toujours justifiés par la vileté du corps. L'Espagne, infestée de cette secte, devint une école d'impudicité. L'Église faisait tête à toutes ces hérésies. Sa lutte perpétuelle donne la raison de ses conciles, de ses synodes, de ses assemblées de tous noms et de toutes sortes, que l'on remarque dès la naissance du christianisme. C'est une chose prodigieuse que l'infatigable activité de la communauté chrétienne, occupée à se défendre contre les édits des empereurs et contre les supplices, elle était encore obligée de combattre ses enfants et ses ennemis domestiques. Il y allait, il est vrai, de l'existence même de la foi. Si les hérésies n'avaient été continuellement retranchées du sein de l'Église par des canons, dénoncées et stigmatisées dans les écrits, les peuples n'auraient plus su de quelle religion ils étaient. Au milieu des sectes se propageant sans obstacle, se ramifiant à l'infini, le principe chrétien se fut épuisé dans ses dérivations nombreuses, comme un fleuve se perd dans la multitude de ses canaux. Il résulte de cet aperçu que les hérésies s'imprégnèrent de l'esprit des siècles où elles se succédèrent. Leurs conséquences politiques furent énormes. Elles affaiblirent et divisèrent le monde romain. Les moines ariens ouvrirent la Grèce aux Goths, les donatistes l'Afrique aux Vandales. Et pour se dérober à l'oppression des ariens, les évêques catholiques livrèrent la Gaule aux Francs. Dans l'Orient, le nestorianisme refoulait sur la Perse gagna les Indes, alla s'unir au culte du Lama et constituer sous un dieu étranger la hiérarchie et les ordres monastiques de l'Église chrétienne. Il fit naître aussi l'espèce de puissance problématique et fantastique du prêtre Jean. D'un autre côté, Une foule de sectes variées que proscrivait le fanatisme grec se réfugièrent pêle-mêle en Arabie, de la confusion de leurs doctrines, professées ensemble dans l'exil et travaillées par la verve orientale, sortit le mahométanisme, hérésie judaïque chrétienne, de qui la haine aveugle contre les adorateurs de la croix se compose des haines diverses de toutes les infidélités dont la religion du Coran s'est formée. À voir les choses de plus haut, dans les rapports avec la grande famille des nations, les hérésies ne furent que la vérité philosophique ou l'indépendance de l'esprit de l'homme, refusant son adhésion à la chose adoptée. Prises dans ce sens, les hérésies produisirent des effets salutaires, elles exercèrent la pensée, elles prévinrent la complète barbarie en tenant l'intelligence éveillée dans les siècles les plus rudes et les plus ignorants, elles conservèrent un droit naturel et sacré, le droit de choisir. Toujours il y aura des hérésies, parce que l'homme né libre fera toujours des choix. Alors même que l'hérésie choque la raison, elle constate une de nos plus nobles facultés, celle de nous enquérir sans contrôle et d'agir sans entrave. Fin de la section 39.